Alléluia. Alléluia. Shall we pray? Prions. Can we just open our mouths to invite the Holy Spirit to be present tonight? Que nous pouvons juste ouvrir nos bouches et inviter la présence du Saint-Esprit ce soir. Speak to the Lord tonight. Parle au Seigneur ce soir. Spirit of God, we invite you in our midst. We pray that you would come and teach us your truth. Father, deliver us from the spirit of foolishness. Deliver us from the spirit of selfishness. Deliver us from every spirit that would cause us to walk away from your will for our lives. We pray, Father, for mercy. Forgive us all our sins, O God. Wash us and cleanse us by your word. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Fantastic. We are in the month of April. Nous sommes dans le mois d'avril. And it is the month of feeding 527. Et c'est le mois de l'enseignement 527. Feeding is not teaching. Paître. I said it on Sunday. I used my French to preach on Sunday. Do you remember? Yeah. So it's feeding 527. Paître 527. And what is, does anybody remember what the 527 is? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que ça signifie, Terry? Instrumentalists. Les instrumentistes. 527. 527. Hmm? I think when I come, it's just I come to act a play for you. I see. Praise and worship. 527. What does it mean? 527. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une lettre. Hmm? C'est une lettre que Paul a écrite. Et le 527, c'est le boîte postale. What is 527? Qu'est-ce que 527? Yes. Don't put it on the screen. Un Thessaloniciens 5:27. Are you going to write it down? The next time I see you, you quote it for me. La prochaine fois que je te vois, tu vas me citer le verset. Amen. Amen. Paul writing to the people of Thessalonica. Paul qui écrivait au peuple de Thessalonique. He said, I adjure you. That means I beg you. Il disait, je vous exhorte. I want you to read this letter that I'm writing. J'aimerais que vous lisiez cette lettre que j'écris. To all the brethren. Everybody must hear what I have to say. Tout le monde doit entendre ce que j'ai à dire. You only ask people to hear what you have to say when you think what you are saying is important. Tu demandes seulement aux gens d'écouter ce que tu as à dire quand tu penses que ce que tu as à dire est important. Amen. Amen. So Paul said, please gather everybody together and read them this letter. Et Paul a dit, s'il vous plaît, réunissez tout le monde et lisez-leur cette lettre. And the letter was telling them how to behave. Et la lettre leur disait comment se comporter en tant que chrétien. Amen. And when we read the letter, 1 Thessalonians 5, from verse 1, we saw that the letter was so à jour, was so current. Et quand nous avons lu 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1, nous nous sommes rendus compte que la lettre était d'actualité. It could have been written for us today. Elle aurait pu être écrite pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. From verse 1 to verse 28, I believe. Du verset 1 au verset 28. So I'm surprised that you didn't go home and read it again. Je suis surprise que vous n'êtes pas allé à la maison pour relire ça. Yeah. And I said that in all Lighthouse churches worldwide. Et j'ai dit que dans le monde entier, dans toutes les églises Lighthouse du monde entier. For the month of April. Pour le mois d'avril. We are all going to be fed. and taught from the same letter. Tous nourris et enseignés sur la même lettre. Hallelujah. Hallelujah. And that letter, et cette lettre, is this book. C'est ce livre. Losing, suffering, sacrificing and dying. Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. And I think one of the reasons why this book was chosen is because you would not buy it if you went to the bookshop. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles le livre a été choisi, c'est parce que si vous alliez à la bibliothèque, vous ne l'auriez pas acheté à la librairie. No Christian wants to lose. Aucun chrétien ne veut perdre. No Christian wants to suffer. Aucun chrétien ne veut souffrir. Certainly no Christian wants to sacrifice. Assurément, aucun chrétien ne veut sacrifier. And I am sure no Christian here wants to die. Et je suis sûr ici qu'aucun chrétien ne veut mourir. And yet the Bible promises us that if you are a follower of Christ. Et pourtant la Bible nous promet que si vous êtes un disciple de Christ, these four things you must experience. Vous allez expérimenter ces quatre choses. Hallelujah. Hallelujah. So we all agree that it's better to be forewarned is forearmed. Forewarned is forearmed. It's better to be aware beforehand before the thing happens. Il est mieux d'être averti avant que la chose n'arrive. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen, Terry. Looking at me as if he's listening to me, but you're not listening to me. Il me regarde comme s'il m'écoutait. Il ne m'écoute pas. So we are doing feeding 5-7. Alors nous sommes en train de faire paître 5-7 is not a letter. 5-7 n'est pas une lettre. It's a verse. C'est un verset. And now saying amen. So we are in chapter 3. Nous sommes au chapitre 3. Page number. I don't have my book here. Hey. Page number 19. If you are in the French book. Dans if you are in the English book, français, it's 13. Chapitre 3, page 19. All right. We're trying to get some extra books anyway. So nous essayons d'avoir plus de livres. We sold everything. Chapter 3, the art of losing. Chapitre 3, l'art de perdre. You need to know how to lose. Vous devez savoir comment perdre. So that it will be easier. Hallelujah. Afin que ça soit plus facile. Amen. Amen. Because as for losing, you will lose. Parce que perdre, vous allez perdre. Tell your neighbor, as for losing, you will lose. Dis à ton voisin, ce qui concerne la perte, tu vas perdre. So it's better to know how to lose. Alors c'est mieux de savoir comment perdre. Amen. Amen. Matthew 16, 25. Matthieu chapitre 16 verset 27. What does the verse say? Que dit le verset? That if you want to save your life, by all means you lose it. Tu veux sauver ta vie, dans tous les cas tu la perdras. But he who loses his life, mais celui qui perd for sa vie, my sake, pour moi, what will happen? Qu'est-ce qui va se passer? He will find it. Il va you la see, retrouver. With God, everything seems to be upside down. Avec Dieu, tout semble à l'envers. He says, if you want to have money, what do? You give. Il dit, si tu veux avoir de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. If you want to be great, what do? Become a servant. Si tu veux être grand, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un serviteur. So everything seems to be upside down. Tout semble à l'envers. He says, if you want your life, if you want to find your life, what do? Il dit, si tu veux trouver ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu la perds. The Bible says he has used the foolish things of this world to confound the wise. La Bible dit qu'il a utilisé les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Yeah. That's why he can use an ordinary human being like me or like you. C'est pour ça qu'il peut utiliser un être humain ordinaire comme moi ou to comme preach toi pour prêcher the gospel, l'évangile. When he could have used angels. Quand il aurait pu utiliser des anges. He could have used angels, and if he sends one angel, the whole world would be converted. Il aurait pu utiliser les anges, et s'il en avait envoyé un, but le no. monde entier serait converti. He chose me. Mais non, il m'a he il chose m'a choisi. You. Il t'a choisi. Full of your sins. Rempli de tes péchés. Full of your mistakes. Rempli de tes fautes. He says, you, go and preach. Il a dit, toi, va prêcher. It's intentional. Et la Bible dit que c'est intentionnel. To confuse the wise people. pour confondre les personnes sages. Those who think they know. Ceux qui pensent savoir. Ceux qui pensent être sages. He says, oh, you think you're wise, eh? Il a dit, oh, tu penses que tu es sage, hein? Okay. This is the man of God I've sent to you. Voici l'homme de Dieu que je t'ai envoyé. He's a fornicator. C'est un fornicateur. He is a thief. C'est un voleur. He's a murderer. C'est un meurtrier. Yeah, but he's the one I like. Oui, mais c'est celui que j'aime. And he's the one I've sent to you. Et c'est celui que je t'ai envoyé. Wow. Wow. That is the God we serve. Ça c'est le Dieu que nous servons. You cannot try to understand him with your Vous ne pouvez pas essayer de le small intelligence. Avec votre petite intelligence. Hallelujah. Hallelujah. He says if any man. Il a dit any si, man, si quelqu'un. That includes you. Ça t'inclut. Amen. Amen. If you want to keep your life, the best way to keep your life, to preserve your life, is to lose. Le meilleur moyen de préserver ta vie est de la perdre. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. But that is the problem. Mais Christians ça, c'est le problème. Are not prepared to lose anything. Les chrétiens ne sont pas préparés à perdre quoi que ce soit. Amen. Amen. We are not prepared to deny ourselves anything. Nous ne sommes pas prêts à renoncer à quoi que ce soit. He says, take up your cross and follow me. Il a dit, charge-toi de ta croix et suis-moi. Take up your cross and follow me. Il a dit, charge-toi de ta croix et suis-moi. We have made the cross a piece of jewelry. Nous avons fait de la croix un bijou. Yeah. Oui. So when they say take up your cross, you think please model for us the cross. Quand on dit charge-toi de ta croix, tu We think that is what it means to take up your cross. Je pense que c'est ce que ça signifie de you se charger de ta model croix. Your own. Toi aussi, viens nous présenter la tienne. And we are happy to walk around with this. This I must announce to you that this is not the cross Jesus says you should take up. J'aimerais vous annoncer que ça ce n'est pas la croix que Dieu vous a demandé de porter. This is not the cross. Ce n'est pas cette croix. It is a nice cross. C'est une jolie croix. Nice design. Un joli design. Very beautiful. Très joli. But this cross. Mais cette croix has nothing to do. N'a rien à with voir the one he said you should take up. Avec celle qu'il nous a demandé de porter. Amen. Amen. The cross he said you should carry. You don't take it to the mall. La croix qu'il nous a demandé de charger, nous ne pouvons pas l'emmener au supermarché. You don't take it to school. Nous ne pouvons pas l'emmener à l'école. When you carry that cross, quand vous vous chargez de cette croix, you are taking it to go and die. Vous la prenez pour aller mourir. Yeah. Oui. You can sit down with your nice crosses. Avec vos jolies croix. Amen. Amen. When he says, if any man wants to come after me, quand il dit si un homme, si quelqu'un veut venir après moi, he must take up his cross. Il doit se charger de sa croix. He must deny himself. Il doit renoncer à lui-même. You see, the denial is where the problem starts from. Le problème commence au niveau du renoncement. What does it mean to deny yourself? Qu'est-ce que ça signifie de se renier soi-même? What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? It means to say no ça to yourself. Ça signifie dire non à toi-même. It means to say no to yourself. Ça signifie dire non à toi-même. I want this. No. Je veux ça. Non. I need this. No. J'ai besoin de ça. Non. How difficult it is. Comment est-ce que c'est difficile? Ask a woman who wants to lose weight. Demande à une femme qui veut perdre du poids. How difficult it is. À quel point c'est difficile? To say no. De dire non. De se dire non. How difficult it is to say no to yourself. À quel point c'est difficile de se dire non. Ask a young man who wants to stop fornicating. Demande à un jeune homme qui veut arrêter de forniquer. How difficult it is. À quel point c'est difficile to say no de to dire yourself. Non à lui-même. It's easier to say no for somebody else. C'est plus facile de dire non pour quelqu'un d'autre. Somebody who wants to lose weight, she's going for a chicken. You say no. Quelqu'un qui veut perdre du poids, elle va prendre du poulet. Tu lui dis non. That's easy. Ça c'est facile. But yourself. Mais toi-même. And the Bible says that if you want to follow Jesus, et la Bible dit que si tu veux suivre Jésus, you must learn the art of saying no to yourself. Tu dois apprendre l'art de te dire non. Because there are many things that will prevent us from following. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous empêcheront de suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. If you want to, how many want to follow Jesus? Combien veulent suivre Jésus? Ah. It's easy to say yes. C'est facile de dire oui. But it's difficult to say no. Mais c'est difficile de dire non. Especially to yourself. En particulier à toi-même. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We need to learn the art. Nous avons besoin d'apprendre l'art de perdre. Losing something. Perdre quelque chose. Is important. Qui est important. If I lose my pen. Si je perds mon stylo. My bic. I'll just say, oh, where's my bic? Je dirais, oh, où est mon bic? Can somebody lend me a bic? Est-ce que quelqu'un peut me prêter un bic? But if I lose my pen, my Mont Blanc. Do you know Mont Blanc? Si je perds mon stylo de marque Mont Blanc, est-ce que vous connaissez Mont Blanc? Do you know Mont Blanc? Est-ce que vous connaissez Mont Blanc? One Mont Blanc pen can pay your monthly rent. Un stylo Mont Blanc peut payer votre loyer. One pen. Un stylo. It's called Mont Blanc. C'est appelé Mont Blanc. It is fat like this. C'est aussi gros que ça. It's not even a nice pen. It's big. Ce n'est même pas un joli stylo. But the sign is that it has a white top. You know, like the Mont Blanc, the mountain. Le signe, c'est que c'est blanc en haut. C'est comme le Mont Blanc. Il y a de la neige en haut. If I lose my Mont Blanc, si je perds mon Mont Blanc, I will look for it. Je vais le chercher. I'll look for it in my car. Je vais le chercher dans I'll ma voiture. I'll look for it in my office. Dans mon bureau. I'll look for it in the house. Dans la maison. Look for it in the church. Je vais chercher à l'église. I'll make an announcement. Je vais passer une annonce. I'll go back and look again. Je vais repartir et chercher encore. I'll look for it. Je vais chercher. Because I've lost something. Parce que j'ai perdu quelque chose. Amen. Amen. So when we say the art of losing, it's not losing your bic. Quand nous parlons de l'art de perdre, ce n'est pas perdre le bic. It is losing something that is important to you. C'est perdre quelque chose qui est important pour toi. Even the Mont Blanc is not important. Même le Mont Blanc n'est pas important. Yeah. Oui. Something that you like. Quelque chose que tu aimes. Yeah. Lose. Perdre. In order to gain. Pour gagner. Hallelujah. Hallelujah. We only fix our mind on the losing. We forget that there's something to gain. Nous fixons juste nos pensées sur la perte. Nous oublions qu'il y a quelque chose à gagner. In English, we say no pain, no gain. En anglais, on dit pas de peine, pas de gain. If you want to gain something, you must be ready to pay the price. Si vous voulez gagner quelque chose, vous devez être prêt à payer le prix. It sounds like a nice slogan. Ça ressemble à un joli slogan. But it's the truth. Mais c'est la vérité. Hallelujah. Hallelujah. Amen. How Amen. Many are ready to follow Jesus? Combien sont prêts à suivre Jésus? Yeah. Oui. Rose, you are no longer ready to follow Jesus. Rose, tu n'es plus prête à suivre Jésus. Be ready to lose. Sois prête à perdre. Be ready to deny yourself. Sois prête à te renier toi-même. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Some things that you must be prepared to lose. Number one. Première chose, nous devons être prêts à perdre. Instrumentalist. Les instrumentistes. Be ready to lose. Soyez prêts à perdre. Amen. Amen. Some of us, when we came to Christ, certains d'entre nous, quand nous sommes venus à Christ, there were certain things that were so difficult to give up. Il y avait certaines choses qui étaient difficiles à abandonner. Certain things that we struggled. Certaines choses pour lesquelles nous avons lutté. Even till today, même jusqu'à présent. After 2 years in Christ, après 2 ans en Christ, it's still difficult. C'est toujours difficile. Music, la musique, is one of those things. C'est l'une de ces choses. When you have music in your blood, quand tu as de la musique dans ton sang, and you were in music when you were in the world, et tu étais dans la musique quand tu étais dans le monde. When you become a Christian, quand tu deviens chrétien, it's very difficult. C'est très difficile. All of a sudden, soudain, to stop listening to Bob Marley, d'arrêter d'écouter Bob Marley. To stop listening to Kofi Olomide. To stop listening to Zouk Machine. Arrêter d'écouter le Zouk Machine. Moi, je connais pas. Lionel Richie. Lionel Richie. Céline Dion. Céline Dion. Pajo. Fat Joe. Fat Joe. It's difficult all of a sudden. C'est difficile. To lose that thing you are so used to, so comfortable with. De perdre cette chose, tout d'un Because coup, cette chose à laquelle tu as When you were listening to the music, it made you feel good. Parce que quand tu écoutais cette musique, ça te faisait du bien. And that feeling good. Et cette sensation de bien-être. It's what we don't want to lose. Et c'est ce que nous ne voulons pas perdre. Yeah. Oui. It's the feeling good element. C'est l'élément de bien-être. That we don't want to lose. Que nous ne voulons pas perdre. Because if you want reggae, parce que si tu veux du reggae, we have reggae, Christian reggae. Nous avons du reggae chrétien. What is that man's name? The one we've been, this boy. Who? Who, Seigneur? No, I'm talking about a famous artist, not. Je parle d'un artiste célèbre. No, I'm talking about Christian reggae. Je parle du reggae chrétien. Who? You see, we don't even know the artists, but there are some. Nous ne connaissons même pas les artistes, mais il y en a. I'll show you. Don't worry. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Well, you are singing the song. There are many artists. Il y a plusieurs artistes. Who sing reggae? Qui chantent le reggae? But with Christian lyrics. I say lyrics. Avec des paroles chrétiennes. Yeah. But we don't want that one. Mais nous ne voulons pas ça. We want the original. Nous voulons l'original. Bob Marley. Bob Marley. No woman, no cry. Ne pleure pas, femme. Hey! I used to know the songs, but I can't remember them now. Je connaissais les chansons, maintenant je ne me souviens pas d'elles. Sherwin Gardner. Do you know Sherwin Gardner? Est-ce que vous connaissez Sherwin Gardner? You know him, but you don't know he's the one. Vous le connaissez, mais vous ne savez pas qu'il s'agit de lui. Hallelujah. Hallelujah. I'm trying to look for one that I want to play you. J'essaie de chercher quelque chose que je vais faire. Jermaine Edwards, does he sing reggae? You don't know. There are artists who sing reggae. If it's reggae that qui chante le reggae, si c'est le reggae qui te fait plaisir. Some of you is blues. Certains d'entre vous c'est le blues. Some of you is what? Certains d'entre vous c'est quoi? R&B. Soul. La soul, le R&B. That's for soul. Hip hop. There are so many. Il y en a tellement. So many. Tellement. But in our mind, the only one that is enjoyable is the one that is in the world. Mais dans nos pensées, la seule chose, no woman, no la seule musique capable de nous faire plaisir, c'est celle qui est dans le monde. That's why I get so happy when the young people do their dancing. C'est la raison pour laquelle je suis tellement contente quand les jeunes gens dansent. Because we can show that there is also joy. In the house of the Lord. Parce que nous pouvons montrer qu'il y a aussi de la joie dans la maison du Seigneur. You can also enjoy music in the house of the Lord. Vous pouvez aussi apprécier la musique dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. What is this one? It's not reggae. Yeah. If you look for it, you will find it. Si vous cherchez, vous trouverez. Yeah. Some say, oh, Lady Pastor, the music. And you know that when you listen to certain songs, vous dites, oh, Lady Pastor, la musique. Vous savez que quand vous écoutez certaines chansons, quelque chose de mauvais vous arrive. Something bad happens to you. Quelque chose de mal vous arrive. The memories that are triggered. Les souvenirs qui sont cachés. You remember the first time you heard the song. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez écouté cette chanson. With. La personne avec qui vous étiez. What you were doing. Ce que vous faisiez. Ouch. Ouch. That That is why you must lose that particular music. C'est la raison pour laquelle tu dois perdre cette musique en it particulier. It brings back too many memories. Ça ramène trop de mémoires, de souvenirs qui te ramènent. Yeah. Oui. You must be prepared to deny yourself. Vous devez être prêt à renoncer à vous-même. Amen. Amen. Rubber Dub style. If you want reggae, si vous voulez du reggae, you can get reggae. Vous pouvez avoir du reggae. Amen. Amen. Music. La musique reggae. Amen. Amen. 1 Corinthians 10 verse 23. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Look at your life and all of the mistakes you made. Don't you walk back down. Qu'est-ce que ça dit? All things are lawful for me. Tout est permis. All things are lawful. Tout est permis. But all things are not expedient. Mais tout n'est pas utile. All things are lawful for me. Tout m'est permis. But all things edify not. Mais tout n'édifie pas. The Bible doesn't say thou shalt not listen to music again. La Bible dit tu n'écouteras plus la musique. The Bible doesn't say thou shalt not listen to Bob Marley again. La Bible ne dit pas tu n'écouteras plus Bob Marley. Thou shalt not listen to Hello again. Tu n'écouteras plus Hello. Tu n'écouteras plus Michael Jackson. La Bible no, ne le dit pas. The Bible rather says all things are lawful. La Bible dit plutôt tout m'est permis. But it doesn't stop there. Mais ça ne s'arrête pas là. It doesn't stop there. Ça ne s'arrête pas là. It says but. Mais. All things are not expedient. Mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. And the second one says all things are lawful but all things edify not. La deuxième partie dit tout est permis mais tout n'édifie pas. So the key question is what I want to do. Is it utile? La question clé c'est ce que je veux faire, est-ce utile? Is it good? Est-ce que c'est bien? Is it helpful? Est-ce que c'est utile? What is the advantage? Quel est l'avantage? What do I gain from it? Qu'est-ce que je gagne de ça? What does it do for me? Qu'est-ce que ça me fait? Since all things are lawful. Il dit tout est permis. But does it edify? Mais est-ce que ça édifie? Does it edify? Some of the things the Bible says clearly do not do. Certaines choses la Bible dit clairement ne faites pas. Like fornication. Comme la fornication. It's clear. C'est clair. Yeah. Now you cannot negotiate with me. Pour ça, vous ne pouvez pas négocier avec moi. Pastor, all things are lawful. Yes, but fornication is not lawful. Tu dis, oh, lady pastor, mais tout est permis. Oui, mais la fornication n'est pas permise. All things are lawful. Tout est permis. Music is lawful. La musique est permise. There's no verse in the Bible that says thou shalt not smoke. Have you seen one in the Bible? Il n'y a pas de verset dans la Bible qui dit que tu ne fumeras point. Est-ce que vous avez déjà vu un verset sans verset? Il n'y a rien comme ça. But mais, does it edify me? Mais est-ce que ça m'édifie? Is it useful for me? Est-ce que c'est utile pour moi? Even the person who's selling you the cigarette. Même la personne qui te vend la cigarette. He says, be careful. Il a dit attention. It can kill you. Ça peut te tuer. So why do you go and buy it? Alors pourquoi est-ce que tu vas acheter ça? Bible doesn't say don't drink alcohol. La Bible ne dit pas ne bois pas de l'alcool. It's not written. C'est pas écrit. When Jesus did a miracle, quand Jésus a fait le miracle à Cana, they were drinking wine. Ils buvaient du vin. And it wasn't grape juice. Et c'était pas du jus de raisin. As we Christians, we have tried to say grape juice. It's not grape juice. Les chrétiens essaient de dire c'était du vin, du jus de raisin. C'était du vin. C'était pas du jus de raisin. Because when he made the wine, the guests said, ah. But you waited. Everybody is drunk now before you brought the good wine. Parce que quand il a fait le vin, les invités ont dit ah, mais tu as attendu que tout le monde se soit enivré avant d'apporter le bon vin. It was good quality wine. C'était du vin not de bonne qualité. Wine. C'était pas du not vin the one in moins the carton cher. That Jeremy has been giving us for communion. Pas celui qui est dans le carton que Jérémy nous donne souvent pour la communion. But the good one. Le Beaujolais bon nouveau est arrivé. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Oui. It says all things are lawful, but. La Bible dit tout est permis, mais. Not all things are expedient. Mais tout n'édifie pas. Not tout n'est pas utile. Not all things edify. Is there a problem? Mais tout n'édifie pas. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So you need to weigh what you are doing. Alors vous devez peser ce que vous faites. Is it edifying? Est-ce que ça édifie? Is it expedient? Est-ce que c'est utile? How does it help me? Comment est-ce que ça m'aide? How will it advance my walk with the Lord? Comment est-ce que ça fera avancer How ma marche will avec it le draw Seigneur? Me closer to God? Comment est-ce que ça me rapprochera How? Du Seigneur? How? Comment? And then you answer the question for yourself. Et tu réponds à la question so toi-même. Should I do it? Alors devrais-je le faire? Amen. Amen. Music. La musique is one such thing. Est l'une de ces choses. A lady pastor. Tu diras oh, mais lady pastor. You know music. Tu sais, la musique, it's just to help you relax. C'est juste pour t'aider à te détendre. You know, but the Bible tells us that when Saul was Mais la Bible nous dit que being tormented by evil spirits, quand Saül était tourmenté par les mauvais esprits, what did he do? Qu'est-ce qu'il a fait? He called for David, David, il a appelé un musicien. He said, just play something for il a dit juste, joue quelque chose pour play moi. Something for joue me. Quelque chose pour so moi. David was playing on his harp. Alors David jouait à la harpe. And the Bible says the evil spirits. Et la Bible dit l'esprit mauvais left. L'a quitté. There is something. Il y a quelque chose that happens qui se passe when music is played. Quand la musique est jouée. Amen. Amen. And the Bible also tells us that faith comes by hearing. La Bible nous dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. So if the lyrics of the music is not edifying. Et si les paroles de la musique n'édifient pas. You will start receiving the words tu vas commencer à recevoir les paroles spirit. Dans ton esprit. Amen. Amen. The words les paroles are very important. Sont très importantes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So we need to be able to deny ourselves. Alors nous devons être capables de music. Renoncer à nous-mêmes. La musique. Amen. Amen. There are certain places you must no longer go to. Il y a certains endroits où vous ne devez plus vous rendre. Certain places you must no longer go to. Certains endroits où vous ne devez plus vous rendre. Places that are filled with smoke. Les endroits qui sont remplis de fumée de cigarettes, qui sont obscurs. With shining lights. Avec des lumières étincelantes. When you are looking for somebody, you have to go like. Quand vous cherchez quelqu'un, vous devez faire ça. What are you doing there? Qu'est-ce que tu fais là-bas? A place where you can't see. Un endroit où tu ne peux pas voir. When you are talking to somebody, you can't hear. Quand tu parles à quelqu'un, tu ne peux pas entendre. I said, did you come yesterday? Je dis, est-ce que tu es venu what? Hier? Quoi? Mais what? You are struggling just even to say a word. Tu luttes juste pour dire un mot. How many of you have never been to a discotheque before? Combien ne sont jamais allés en boîte de nuit? Wow. Wow. You, oh, let me see your hand again. Let me see your hand again. Laissez-moi voir vos mains. You've never been to discotheque, but you've done other things. Vous n'êtes jamais allé en boîte de nuit, mais you vous have, avez fait autre chose. You have raised your hand as if you are so innocent. Vous avez levé vos mains comme si vous étiez tellement innocent. Look at you. Regardez-vous. How many of you have never smoked before? Combien d'entre vous n'ont jamais fumé? Ah, so your hand has gone down. Ta main est descendue. Wow. Wow. Yeah. Oui. There are places. Il y a des endroits. That you must not go to. Où vous ne devez pas vous rendre. Yeah. Oui. You go to a discotheque when you get home, your clothes are full of smoke. Vous allez en boîte de nuit quand vous rentrez à la as maison, vos habits sont pleins de l'odeur de la cigarette. You were in an oven. Comme si vous étiez dans un four. For what? Pourquoi? Enjoyment. Le plaisir. Wow. Wow. There are certain places that when you go, you know immediately you will backslide. Certains endroits, vous savez que si vous vous y rendez, vous allez immédiatement rétrograder. When you are alcoholic, quand you have a problem with alcohol. Vous avez un problème avec l'alcool. They tell you to avoid places where people are drinking. Ils vous disent d'éviter les endroits où les gens boivent. Why? Because pourquoi? Seeing the alcohol. Parce que le fait you. De voir l'alcool va vous tenter. Some of you have been so deeply involved in certain things. Certains d'entre vous ont tellement été impliqués dans certaines choses. When you pass by a discotheque, even in the daytime, quand vous passez près d'une boîte de nuit, même la journée, your mind starts working. Votre cerveau commence à travailler. Remembrance. Les souvenirs. You will start remembering. Vous allez commencer à vous rappeler. Hey. Wow. Some of you have to lose certain friends. Certains d'entre vous devez perdre certains amis. Yeah. It's an art. You have to develop it. C'est un art que vous devez développer. It won't come from one day to the next. Ça ne viendra pas du It jour au lendemain. Be a fight. Ça sera un It combat. Be a struggle. Une lutte. There are friends who may not have done anything bad to you. Il y a des amis qui ne vous auraient peut-être rien fait. But just the fact that they are walking with you. Mais juste le fait qu'ils marchent avec toi. Will cause you to backslide. T'emmènera à rétrograder. Yeah. They are not bad. Ils ne sont pas mauvais. They are not evil. Ils ne sont pas méchants. But just the fact that they are walking with you. Mais juste le fait qu'ils marchent avec Before toi. Before you know it. Avant que tu ne te rendes compte. You are back in the discotheque. Tu es de retour en boîte as de soon nuit. As you enter into the discotheque, you are drinking alcohol. Dès que tu rentres dans la boîte de nuit, tu as bois de l'alcool. As soon as you are drinking alcohol, you will go home with a girl that you don't even know her name. Dès que tu prends de l'alcool, tu vas rentrer avec une fille dont tu ne connais même pas le nom. Just because you are walking with this friend. Juste parce que tu marchais avec cet ami. A lot of you when you go home, holidays. La plupart d'entre vous quand vous rentrez à la maison pendant les vacances. Welcome to backsliding. Bienvenue dans la rétrogradation. The friend who meets you at the airport. L'ami qui va t'accueillir à l'aéroport. Ah, you came at the right time. This evening there dira, is a party. Oh, tu es arrivé au bon moment. Ce soir il y a une fête. Everybody will be there. Tout le monde sera là. And then you tell yourself. Et tu te diras. I'll go and evangelize to them. Je vais y aller pour évangéliser. Fresh fire. Le feu frais. I have a gospel I'm going to preach. J'ai l'évangile, je dois prêcher. When you get there, quand tu t'y rends, and you see all your old friends, et tu vois tous tes anciens amis, and the place is jamming, et l'endroit est chaud, you say, okay, you let me enter first. Et tu dis, okay, laisse-moi d'abord entrer. So, oh, have a drink. Oh, you're back. Oh, fantastic. Oh, prends une boisson. Tu es de retour. Oh, c'est fantastique. Oh, I came this afternoon. Oh, je suis arrivé cet après-midi. Have a drink. Have a drink. Oh, I don't want to drink. Oh, but have a drink. Je veux pas boire. Oh, prends une boisson. Oh, no, I don't drink anymore. Oh, tu ne bois plus. Oh, you don't drink anymore. Tu ne bois plus. Have a drink. Have a drink. Have a drink. Oh, prends une boisson. Prends une boisson. Prends une boisson. So, okay, I'll take a Coke. Tu dis, okay, je vais prendre du Coke. Coke! Du Coca. Put whiskey inside the Coke for him. Oh, mets du whiskey dans le Coca pour lui. Ah, stop pretending. Oh, arrête de faire semblant. Then you just take the glass and tu prends juste le verre. These people, they don't know I've changed. Ces gens, ils ne savent pas que j'ai changé. And then the music is booming. Et boom, la musique cha, chauffe. Boom, cha, boom, cha. Then you, next thing you know, your head is moving. Your head is Et moving. Par la then your leg is moving. Ta tête est en train de bouger. Next thing you know, you're taking the glass. Tu as pris le verre. Oh. Tu as déposé. What a shock. Quel choc. Hey! Hey! Because of a friend. À cause d'un ami. Wow. Wow. Tout est permis. Everything is lawful. Tout est permis. But. Mais. That but is there to stop you. Ce mais est là pour t'arrêter. Yeah. Oui. Oh, all things are lawful. All things are lawful, but when you see the but, you must stop. On lit tout est permis, on voit le mais, on doit s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Music. La musique. Places. Les endroits. Friends. Les amis. Yeah. Oui. Some of you must even lose your desire to go and work in a certain location. Certains d'entre vous devez même perdre le désir d'aller travailler à certains endroits. It has been your childhood dream to go and work in Schlumberger. Ça a été ton rêve d'enfance d'aller travailler à Schlumberger. It has been your childhood dream to work with the United Nations. Ton rêve d'enfance d'aller travailler aux Nations Unies. I must work. You know, Lady Pastor, when you spoke of working in the United Nations, and you were driving a CD car, quand tu as parlé de travailler aux Nations Unies, it just reminded me, Lady Pastor, of my dream. Et tu conduisais une voiture CD, ça m'a rappelé mon rêve. You are prepared. I have a friend who is currently in southern Sudan. J'ai une amie qui est with the United Nations. En ce moment au Sud-Soudan avec les Nations Unies. And I was thinking that if they had sent her husband, et je me disais si on avait envoyé son mari South Sudan as a missionary, au Sud-Soudan en tant que missionnaire, would she be happy to go? Est-ce qu'elle serait contente d'y aller? Do you think she'd be happy? Say, oh, husband, I encourage. Oh, fantastic! God is so good. Est-ce qu'elle aurait dit, oh, mon mari, je t'encourage. C'est fantastique. Dieu est bon. She said, elle aurait dit, a wicked man. Tu es un méchant you homme. You accepted to go to Southern Sudan. Tu as accepté d'aller au Sud-Soudan. So what should I do? Alors que devrais-je faire? And the children. Et les enfants. What should we do? Qu'est-ce qu'on doit faire? But because the United Nations has sent her to Southern Sudan. Mais parce que les Nations Unies l'ont envoyée au Sud-Soudan, elle est partie. I have another friend. This friend is from Ghana. Cette amie est du Ghana. J'ai une autre amie. When I say friend, these are my colleagues, the people I used to work with in the UN. She's quand je from dis the Philippines. Les amis, les gens avec qui je travaillais aux Nations Unies. Elle est des Philippines. She sent me a message. Oh, I'm now in Bamako, so maybe I'll pass by Ghana one of these. Elle me dit, oh, je suis maintenant à Bamako, peut-être au Ghana un wow. de ces jours. J'ai All dit, the way from Philippines. Depuis les Philippines. To Bamako. Jusqu'à Bamako. Wow. Because of the United Nations. À cause des Nations Unies. I know somebody who, because of United Nations, went to Afghanistan. Je connais quelqu'un à cause des Nations Unies et parti en Afghanistan. If he had been sent as a missionary to Afghanistan. Si tu avais été envoyé en tant que missionnaire en Afghanistan. Wow. And you know what happened to him? He died. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est mort. He was killed in an attack. Il a été tué dans une attaque. Yeah, more than 3 years ago now. Il y a plus de 3 ans maintenant. Pastor. Un pasteur. Lighthouse pastor. Un pasteur de Lighthouse. Yeah. Oui. Wow. There are certain jobs you must refuse. Il y a certains emplois que vous devez refuser. Recently, somebody came to me. She was going to get a job. Récemment, quelqu'un est venu à moi et devait avoir un emploi. She said, oh, I don't think I should take it. Et elle a dit, oh, je ne pense pas que je devrais said, le prendre. Oh, you need the money. J'ai dit, oh, pourquoi? Tu as besoin de l'argent. Oh, they said I may have to work Sundays sometimes. Et ils ont dit qu'elle devait travailler parfois I le said, dimanche. Wow. J'ai dit, wow. Fantastic. How many people would stop? Combien de personnes vont s'arrêter et penser? This job, should I take it? En se disant, oh, cet emploi, devrais-je le prendre? I have to work on Sundays. Je dois travailler les dimanches. Should I take it? Devrais-je le prendre? No, most of us would have said, oh, Lady Pastor, Sundays, I cannot come again because I have to work, you know. Plusieurs personnes diraient, oh, Lady Pastor, les dimanches, je ne peux plus venir parce que je dois travailler. You'll see me on Wednesday. Donc, tu me verras les mercredis. So I cannot be in the choir. I can be Wednesday. I hear you are forming a Wednesday praise and worship. Oh, j'ai entendu que tu fais louange adoration du mercredi. So I think that would be good for me. Oh, je pense que ça m'irait Sundays. Bien. Parce que les dimanches. Wow. Yeah. But I told her she should do the work. Je lui ai dit, elle doit prendre le you travail. See, sometimes the mistake we make is that we think God doesn't want us to have any kind of enjoyment. Parfois, l'erreur que nous commettons est que on pense que Dieu ne veut pas que nous puissions God nous réjouir. God wants us to suffer. Nous pensons que Dieu veut que nous souffrions. But that's not the truth. Mais ce n'est pas la vérité. The truth is that God wants us to be ready to La vérité, c'est que Dieu veut que nous soyons prêts à abandonner. If he says you, if any man will follow me, he should deny himself, take up his cross and follow me. Quand il dit que si un homme doit venir à moi, il doit se renoncer à lui-même, porter sa croix et me suivre. It doesn't mean that you will not have anything for yourself. Ça ne veut pas dire que tu n'auras It rien pour toi-même. It means that you must be ready not to have anything for Ça yourself. Veut dire que tu dois être prêt à ne rien avoir pour toi-même. If he says you must die to yourself. S'il dit que tu dois mourir He's not saying go and take a knife and kill yourself. Il n'a pas dit de prendre un couteau et de te tuer. He is not saying that you will never build a house in your life. Il n'est pas en train de dire que tu ne bâtiras jamais une maison. He is not saying that you will never be happy in your life. Il n'est pas en train de dire que tu ne seras jamais heureux de ta vie. In your life. Il ne dit pas que tu n'auras jamais d'argent de ta vie. He's not saying that. Il ne le dit pas. He is saying that if you do not have the attitude. Il est en train de dire que si tu n'as pas l'attitude. That God, if you ask me to deny, if you ask me never to build a house, I'll do it. Qui dit que Seigneur, si tu me demandes de ne jamais bâtir une maison, je le ferai. But he's not saying don't build a house. Mais il ne dit pas ne bâtis pas you une maison. You must be in a state of readiness. Vous devez être dans un état de d'être prêt. Vous devez être prêt. I don't know if you see the difference. When je ne sais pas si vous voyez la différence. If any man, if you do not hate your mother, hate your father, hate yourself, hate. Quand il dit si vous n'avez pas de la haine pour votre mère, votre père ou what vous même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Is he saying that when you see your father, you should spit on him? Est-ce qu'il est en train de dire que quand tu vois ton père, tu dois lui cracher dessus? Is he saying when you see your father, you should walk past? Est-ce qu'il dit que quand tu vois ton père, tu dois because traverser? Because if you hate something, it means that you detest. You cannot even be in the. Parce que quand tu as de la haine pour quelque chose, tu détestes. Tu ne veux même pas être là. You understand? Est-ce que vous comprenez? If you hate somebody, si vous avez de la haine pour quelqu'un, the person quand vous voyez venir la personne, you have to control yourself. Vous devez vous contrôler. But he said, honor your father and your mother. Il a dit, honore ton père et ta mère. How do you do the two? Comment est-ce que tu fais les deux? It means that the hate he's talking about, ça veut dire que la haine dont il parle, it is the state where if need be, c'est l'état and you où, have to choose, si le besoin se fait sentir et tu between dois choisir serving him and entre following le your father, servir et suivre ton père. In that situation, dans cette situation, father, I don't even want to see you. Père, je ne veux même pas te voir ici. He said, there's a difference. Il y a une différence. So when he says, if you are not ready to deny yourself, alors quand il dit que si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, it doesn't mean that from today don't go to school. Ça ne signifie pas qu'à partir d'aujourd'hui ne va plus à l'école. Don't pass your exam quand tu vas à l'école, ne réussis pas aux examens parce que tu n'as pas diploma. Besoin de diplôme. When you finish school, don't apply for a job. Quand tu finis le travail, ne postule pas pour un when emploi. When you apply for a job, apply for the worst position that quand you can postule, get. Quand tu postules pour la pire des positions que tu puisses that avoir. Is not what God is saying. Ce n'est pas ce que Dieu est en train why de dire. Why did he say that you'll be the head and not the pourquoi tail? Est-ce qu'il a dit que tu seras la tête et non la queue? Why did he say that you are more than a conqueror? Pourquoi est-ce qu'il a dit que tu es plus qu'un vainqueur? Why? Pourquoi? So that you'll be miserable. No, pourquoi no, no, no. Pour que tu sois misérable? Non, non, non, non, non. Il y a une différence. You must be in a state of readiness. Tu dois être dans un état de quelqu'un qui est prêt. So that if you come before a choice. Afin que si tu viens devant le choix. So, well, there's a choice. Ok, il y a un choix. And it's clear for me. Et c'est clair pour moi. I'm ready to lose. Je suis prêt à perdre. If it's going to ask, if I, because of this thing. Si à cause de cette chose, je ne peux pas servir mon Dieu. Si à cause de cette chose, je ne peux pas marcher avec confiance avec mon Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Si à cause de Schlumberger, je dois rentrer dans une secte, une loge. Hey, it's okay. Ça va. It's okay. Ça va. I know some people even before they started school. Before they started school, je connais there's des a personnes, job waiting for them. Même avant d'avoir commencé les études, il y avait un emploi qui les but attendait. Attached to the job is an offer to enter the lodge. Et attaché à l'emploi, c'est une offre à entrer dans une loge. Deny yourself and follow me. Renonce à toi-même et suis-moi. That is what God is saying. C'est ce que Dieu dit. Oui. All things are lawful. You can go and work in tout est permis, tu peux aller travailler à Schlumberger. Mais est-ce que ça t'édifie? Je connais quelqu'un qui allait prendre un emploi et aujourd'hui job, elle n'est même pas à l'église. Job, à cause de cet emploi, if she had not taken that job, si elle n'avait pas pris God. Cet emploi, elle serait toujours en train de servir Dieu. I'm 100% sure of it. Je suis sûre à 100%. 100% sure. Je suis sûre à 100%. Et elle a pris l'emploi juste parce qu'elle essayait d'énerver sa mère ou quelque chose. I'm going to take this job. Elle a dit, oh, je vais prendre cet emploi. Today, aujourd'hui, she's not in church. Elle n'est pas à l'église. And when I say in church, I don't mean just Lighthouse. She is not in church at all. Quand je dis à l'église, je ne dis pas seulement Lighthouse. She's not a Christian like serving God at all. Elle n'est pas une chrétienne qui sert Dieu, pas du tout. Somebody who used to love God just like you. Quelqu'un qui aimait le Seigneur juste comme toi. Why? Pourquoi? She was not ready to deny herself. Elle n'était pas prête à renoncer à elle-même. Wow. Wow. Wow. Wow. Some of you are going to. You are listening to me and listening and listening. Vous m'écoutez, vous m'écoutez. Vous ferez la même erreur. Why? Because you haven't reached the stage where you are ready to deny yourself. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous êtes prêt à renoncer à vous-même. Where you are ready to say no to yourself. Où vous êtes prêt à dire non à vous-même. Some of you should have gone home long ago. Certains d'entre vous seraient repartis au pays il y a très longtemps. Because the reason why you are here Parce que la raison pour laquelle tu es ici n'est pas une raison qui t'édifie. Somebody's husband sent you here. Le mari de quelqu'un t'a envoyé ici. Paying your school fees. Il paye tes frais de scolarité. But you're not ready to deny yourself. Et tu n'es pas prête à renoncer à toi-même. I can't go back without a diploma. Oh, je ne peux pas rentrer sans diplôme. Oh, I can't go back without a certificate. Oh, je ne peux pas rentrer sans certificat. But you should have gone back. Mais tu aurais dû rentrer. I said that I'm not. It's finished. En disant, c'est fini, je ne peux plus prendre ton argent. Ooh, ooh. Lady Pastor, Lady Pastor, what are you saying? Qu'est-ce que tu dis? Oh, oh. Yeah. Oui. You are taking his money. Vous prenez son argent. But you don't want to give him what he wants. Mais tu ne veux pas lui donner ce qu'il veut. Oh, but it's not fair. Oh, mais c'est pas juste. It's not fair. C'est pas juste. If I were him, I would come for you. Oh, si j'étais lui, je viendrais te chercher. Chez. Hey. You want me to pay for your school fees and you don't want me to take what I want? Tu veux que je paye les frais de scolarité, mais tu ne veux pas que je prenne ce que je veux? You are defrauding, defrauding. C'est de la fraude. 419. Tu fais 419. You should be in prison. Tu devrais être en prison. Yeah. Yeah. Oui. Am I saying something wrong? Est-ce que je dis quelque chose de mal? You are not prepared to deny yourself. That is why you are still here. Tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même. C'est la raison pour laquelle tu es encore ici. On the pretext that you can't go home without a diploma. En disant que tu ne peux pas retourner au pays sans diplôme. Will get you a job? Qu'est-ce qui te dit que Who ce diplôme te donnera un emploi? Who? Qui te l'a dit? Who told you? Qui te l'a dit? Don't you know people who have masters who've gone home and they are still waiting for a job? Est-ce que tu ne connais pas les personnes qui ont la maîtrise, qui sont reparties et qui n'ont pas d'emploi? I said, don't you know somebody who has a master's and Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui a sa maîtrise et qui est rentré? You are just simply not ready to deny yourself. Tu n'es tout simplement pas prêt à renoncer à toi-même. You deny yourself and trust God. Say, God, you said I should deny myself. I'm denying myself this certificate. If I go back home, tu renonces and à toi-même et job, tu fais confiance à Dieu. God, en disant, Seigneur, tu as dit que je puisse renoncer à moi-même. Si je rentre et je n'ai pas d'emploi, Dieu. Deny. Renonce à toi-même. Deny, say no to yourself. Dis non à toi-même. Wow. Wow. In fact, the message is too fantastic. Oh, le message est très fantastique. Too fantastic. I was listening to the bishop this afternoon. J'ai écouté l'évêque. Cet live après-midi. Streaming from UK ISI. La conférence de Faire Église you de can Faire follow it live online. En direct. Are you aware? Vous pouvez suivre ça en ligne. And he was saying something just this evening before coming to Il disait quelque chose juste ce soir quand je venais. Wow. J'ai he dit said, wow. Many, many ministers. And he's talking to pastors. Il a dit plusieurs ministres et il he parlait said, aux pasteurs. We are preaching a message that is not the message That we are supposed to be preaching. Il a dit, nous prêchons un message qui n'est pas celui que nous devons prêcher. We are talking about finances. We have nous parlons made des finances. Our message so business oriented nous and avons orienté money notre and message sur les business et sur l'argent. That a simple message, de John 3:16, un simple message, Jean 3:3, Romains 10:9-10, Romains 10:9-10, messages, ces messages, you think they are so basic, vous pensez que ce sont tellement des bases, that you are now too mature to que vous preach. Êtes trop mature pour prêcher dessus. Your message must now be about vos messages doivent maintenant être in Jacob's coat, Joseph's coat. Par rapport aux différentes couleurs sur la tunique de Joseph. The stars. Le bleu représente les étoiles. The red represent, and your le message, rouge représente. Your message has become so mystical, et vos messages sont devenus tellement mystiques that nobody can gain salvation from your message. Que personne ne peut obtenir le salut de vos messages. You're talking about the beard that is on Aaron's chin. Il parle de la bière qui est sur le menton d'Aaron. La barbe sur le menton d'Aaron. And how the oil will run down from his head into the beard. Et comment l'huile that va couler sur sa tête et sur la barbe. Must. Comment l'onction doit, je sais même pas quoi dire. Where is the message of salvation? Où est le message du salut? Jesus said, go into the nations and preach. Jésus a dit, allez dans toutes les nations et prêchez. Disciples. Et faites des disciples. He didn't say, go and make millionaires. Et il n'a pas dit, allez faire des millionnaires. Go into the world and make millionaires. Il n'a pas dit allez-y dans le monde et faites des millionnaires. The Bible tells us that it is very difficult for a rich man to enter into the kingdom. La Bible nous dit que c'est très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. Vous avez vu le chameau? The Bible says it is easier for that camel. La Bible dit qu'il est plus facile pour ce chameau to enter into an eye of a needle. De rentrer dans le trou d'une aiguille. Do you know needle? Vous connaissez l'aiguille? Do you know camel? Vous connaissez le chameau? It is easier. C'est plus facile. And yet we are preaching that people should become millionaires. Et nous sommes toujours en train de prêcher pour que les gens deviennent millionnaires. So what are we saying? Alors qu'est-ce qu'on dit? We don't want our church members to go to heaven. Nous ne voulons pas que les membres de nos églises aillent au ciel. Yeah. Oui. That's what you are saying. C'est ce que vous dites. Think about it. But when you go to churches, et, mais quand vous allez dans les églises, hear about prosperity. Les gens veulent entendre parler de la prospérité. People want to hear about receiving. Ils veulent entendre parler de la richesse. People want to receive. Les gens people veulent want recevoir. To prosper. Les gens veulent people prospérer. Want money. Les gens veulent de l'argent. So when I make money, Lady Pastor, my time, my time. On dit quand je veux me faire de l'argent, Lady Pastor, ma dîme, ma dîme. I will sponsor healing Jesus campaign. Je vais sponsoriser la campagne Jésus qui guérit. What shall it profit a man to gain à, the whole world? À quoi est-ce que ça sert à un homme de gagner le monde entier? To lose his soul. S'il perdait son âme. Wow. Wow. Are you ready to deny yourself? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à vous-même? To follow Christ. Pour suivre Christ. It's a question. C'est une question. It's a question. C'est une question. When you put on the TV and you are watching all these televangelists and the people preaching. Quand tu allumes la télé et tu vois toutes ces personnes qui prêchent, ces évangélistes. 12 steps to doubling your money in 12 months. 12 étapes pour doubler votre argent en 12 mois. 37 ways to reach the seventh heaven. 37 voies pour atteindre le septième ciel. Some of them will say that send. He was saying, he was giving an example. He said, certains diront, somebody will say, il a donné un send exemple. Immediately. Send $37. Quelqu'un dira, envoie immédiatement $37. We'll pray with et nous prions, nous prierons avec le psaume 37 et vous recevrez 37 millions. Magicians. Et il a dit, nous devenons des magiciens. Using the word of God and en utilisant la parole de Dieu pour devenir des magiciens. When was the last time you preached John 3:16? Quelle était la dernière fois que tu as prêché sur Jean 3:16? So that is for the children. Non, oh, ça c'est pour les enfants. Yes, we are mature. We are mature. Nous sommes matures. You are so mature that you don't even know what salvation means again. Tu es tellement mature que tu ne sais même pas ce que c'est le salut. Wow. Wow. Those of you who want to be rich. Certains d'entre vous qui veulent être riches. Pray. Priez. that you not lose your salvation afin de ne pas perdre votre salut in the process. Dans le processus. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Christians are not ready to lose anything anymore. Tu dis tu n'es pas prêt à perdre quoi que ce soit. Yeah. But if you cannot mais si tu ne peux pas yourself, renoncer à toi-même, you are not able to say no. Tu n'es pas capable de dire non. You've gone to find a job. You are working as a barman in a nightclub. Tu as eu un emploi. Tu travailles en tant que barman en boîte de nuit. That is the job you found. C'est l'emploi que tu as trouvé. As a born again Christian. En tant que chrétien né de nouveau. Wow. How long do you expect to survive as a born again Christian? Combien de temps est-ce que tu t'attends à survivre en tant que chrétien né de nouveau? The first day. Le premier jour. The first day. Le premier jour. Somebody said, I've become a born again Christian, but my father is always sending me to buy alcohol. I don't know what to do. Quelqu'un a dit, je suis un chrétien né de nouveau, mais mon père m'envoie toujours acheter de l'alcool. Je ne sais quoi faire. I also don't know what you should do. Je dis, je ne sais pas aussi ce que tu devrais faire. I don't know what you should do. Je ne sais pas ce que tu devrais faire. Yeah, my father is always sending me to buy cigarettes. I don't know what. Oh, mon père m'envoie toujours acheter de la cigarette. Je ne sais pas quoi faire. Pray. Prie. Pray, pray, pray. Hallelujah. Hallelujah. You work in a discotheque, in a nightclub. Dans une boîte de nuit. Where the girls come, they are half naked. Où les filles viennent et elles sont à moitié nues. And they are dancing in front of you. Et elles dansent devant toi. Hey! Hey! You close your eyes, eh? Tu fermes tes yeux. Hein? So when you are pouring the whiskey, it's alors pouring quand tu on verses the le whisky, ça va se verser au bar. Your uncle has died and he has left you his nightclub. Ton oncle est mort et il t'a laissé sa boîte de nuit. Hmm. Wow. Wow. Films. Films. Les films. Les films. Films. Les films. Films. Les films. Films. Les films. Films. Les films. Films. Les films. Films. Les films. Some of the films you watch. Certains films que vous regardez. In fact, because of that film, à cause de ce film, you can't marry again. Tu peux plus te marier. Because you want a husband who will carry you. Parce que tu veux un mari qui va te soulever. You want a husband that when you wear your high heels, you'll be looking up at him. Tu veux un mari que quand tu vas mettre tes talons, tu vas le regarder en hauteur. So before you can kiss your husband, you want to stand on your tip. Avant d'embrasser ton mari, tu dois te relever comme ça. So when the Christian brother comes, alors quand le frère chrétien arrive, spiritual brother, un frère spirituel, anointed brother, un frère oint, on fire for the Lord, en feu pour le Seigneur, filled with the Holy Ghost, rempli du Saint Esprit. Hey, come on. Kabayando Robosha. Kabayando. And he comes and he says, sister. Il te voit et te dit, sœur. Thus says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. All you can see is his. Tout ce que tu peux voir, c'est. His. Yeah. What is this place? Comment est-ce qu'on appelle cet endroit? C'est non. Tu dis non. Me, eh? Moi, I like to wear high heels. J'aime mettre les talons. If I marry you, si je me marie à toi, I can't wear high heels again. Je ne peux plus mettre les talons. So I cannot marry you. Alors je ne peux pas me marier avec toi. Wow. Wow. You are not prepared to deny your high heels. Tu n'es pas prête à renoncer à tes talons. To get a good Christian husband. Pour avoir un bon mari chrétien. Wow. Wow. Why? Pourquoi? Because you watch so many films. Parce... where the man is taller than the woman. And then he can carry her easily. Et il peut facilement like la porter. Like this one, this one. Comme celui-là, celui-là, celui-là. This is this. Come, come, come, come. Is it spiritual Christian brother? Un frère chrétien spirituel. Who has gone to Anakazo Bible School? Aller à l'école biblique Anakazo. Hey! Hey! He has come to say, baby. Il est venu dire, bébé. Give me a tall. I want a tall sister. Tall sister. Je veux une tall sister. Grande. Lindius, where are your shoes? You don't have high heels today. Tu n'as pas porté les talons aujourd'hui. Oh. Maggie, are you wearing high? Where's Alicia? Come. Sister, come and stand here. Frère, viens te sœur, viens te tenir ici. Look at this beautiful girl. Beautiful, cette beautiful. Jolie fille. And then she has been watching these nice romantic films. Et elle regarde toujours ces films romantiques. And she has a dream. Et elle a un rêve. Of getting married. De se marier. Wearing her long white dress. Pour porter une longue robe blanche. And coming down the aisle. Venir à l'hôtel. To her prince charming. Vers son prince charmant. Prince charming. Le prince charmant va proposer. When she sees him come, this one, Paul, she's not wearing high heels, oh. Là, elle ne met même pas les, elle a même pas les talons. Tu choses combien? Oh, my shoe will not fit you. When she wears her high heels. Quand elle met les talons. When she looks at him, he's like, no, he does not fit my dream. Quand elle le regarde. Elle lui dit, il ne ressemble pas à mon homme de rêve. Anakazo, Bible school. Sœur, il est allé à l'école biblique Anakazo. He's a missionary. Il est missionnaire. He is ready to marry today, today, today, today. Il est prêt à se marier aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Just say yes. Juste dis oui. She's not ready. Elle n'est pas prête. Why? Pourquoi? He's too short. Il est trop court. She's taller than him. Elle est plus grande que lui. Brother, it's not frère. Working. Désolé. Oh. Il n'a même pas encore ouvert la bouche. See, all of a sudden she's laughing. Elle est déjà en train de sourire. Hey! What a shock! Quel choc! He has not even opened his mouth. Il n'a même pas encore ouvert la bouche. We don't know if he knows any Bible verse. Nous ne savons même pas s'il connaît un verset biblique. Elle sourit. And her body language has changed. Et son langage corporel a changé. Wow. Wow. Why? Pourquoi? Because he's tall. Parce qu'il est grand. She can wear her high heels. Elle peut mettre ses talons. She said yes. Elle dit oui. Oh, sisters. Oh, les sœurs. It's like a joke. C'est comme une plaisanterie. But it's true for most of you. Mais c'est vrai pour la plupart d'entre vous. Tall, handsome brother. Un beau frère grand. Gaston. Gaston. What a shock. Quel choc. spiritual sister like this one. She's une sœur spirituelle comme celle-là. Toujours en train de prier. But her prayer has not been able to overcome the height. Mais sa prière n'a pas encore été capable de surmonter la taille. Please go and sit down. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hey! Wow. Wow. Films. Les films. Give you ideas. Vous donnent des idées. Some of you cannot stop masturbating because of the films you've been watching. Certains d'entre vous ne pouvez pas arrêter de vous masturber à cause des films que vous regardez. These days, girls, boys, all of you. De nos jours, les filles, les hommes, vous tous. It used to be a boy's problem. Now it's a girl's problem. Avant c'était un problème pour les hommes, maintenant c'est aussi un problème de femmes. Yeah. Oui. Why? Pourquoi? Films. Les films. Films. The film will just trigger your imagination. Les films vont juste troubler votre imagination. Even if the film is not pornographic, just même si the le fact, film n'est pas pornographique. There are films that they are almost pornographic. Il y a des films qui sont presque pornographiques. They are neighbors to pornography. Neighbors like des voisins de la pornographie. And because we have become so, if we watch it as if it was over this one. Oh, c'est parce que nous sommes devenus tellement insensibles que nous disons oh mais il y a rien. This is not pornography. Oh, they are ça not c'est pas sex. La pornographie. Ils ne font pas l'amour. They're not having sex, but the woman is naked walking across. The man too is naked walking across. Ils n'ont pas les rapports sexuels, mais la femme est nue et elle passe. L'homme aussi est nu et il passe. Tu regardes. In the beginning, you used to hide your face more. Avant, tu cachais ton visage. Now you're like... Mais maintenant. Hey! Christian brother, Christian les frères chrétiens. When the scene comes, then you pretend as if you are looking on your phone. Quand la scène vient, tu fais semblant de regarder à ton portable. The films, they are using language that is so unedifying. Dans les films, ils utilisent un langage qui n'édifie pas. Bad language. Un bad, mauvais bad, langage. Bad. And you are listening and laughing. Cac, cac, cac, cac. Tu regardes et tu ris. Cac, cac, cac, cac. It's funny to you. Ça vous fait rire. Faith comes by hearing. La foi vient de ce qu'on entend. Some of you, if we could put a microphone in your head. Certains d'entre vous, si on peut mettre un micro dans vos têtes. To hear the things that are in your mind. Pour entendre les choses qui sont dans vos pensées. We will collapse. On s'évanouirait. We will just collapse here. On s'évanouirait ici. Yeah. You have to stop watching certain films. Vous devez arrêter de regarder certains films. But Lady Pastor, it's just a film. It's just dites, a film. Oh, Lady Pastor, c'est juste un film. C'est juste un film. Try and go back. Look in your mind. The last time you masturbated, what film did you watch? Et essaie un peu de regarder dans le passé. La dernière fois que tu t'es masturbé, quel film est-ce que tu as regardé? What film was it? Quel était le film? Was it cartoons? Est-ce que c'était des dessins animés? Was it cartoons? Est-ce que c'était des dessins animés? Was it Walt Disney? Est-ce que c'était Walt Disney? Little Mermaid. Est-ce que c'était la petite sirène? Cinderella. Cendrillon. Deny yourself. Renonce à toi-même. And you can follow me. Et tu peux me suivre. Say no to yourself, then you can follow me. Dis non à toi-même et say tu peux no me to suivre. All these little things. Dis non à toutes ces petites no. petites choses. Non. Which film is it? What film? Who is the actor? Quel Who? Est le film? Qui est l'acteur? Non, je ne peux pas regarder. This man, cet homme. When he opens his mouth, quand il ouvre sa bouche. No, it will not edify me. Non, ça ne va pas m'édifier. Non. Non. I won't watch it. Je vais pas regarder. Nigerian movie. Les films nigérians. Blood. Le sang. Sacrifice. Les sacrifices. Killing. Les meurtres. And robbers. Witchcraft. La sorcellerie. You watch part one by mistake. You tu as regardé la première partie par erreur. Part two, three, four, tu vas aller chercher la deuxième, la troisième et la quatrième partie jusqu'à la cinquième. Some of you are addicted to this series. Certains d'entre vous vous êtes attachés à ces séries. Scandal. Scandale. Is that which one is La Patron? Is that la patronne. Hein? Où? Arrows. Arrows. Shameless. Which one is shameless? Revenge. Revenge. Which one is that? What did you say? You are so, if you don't watch it, something is happening to you. Si vous ne suivez pas ça, quelque chose va vous arriver. Quelque chose vous arrive. A woman who is busy killing people left, right, center. That's une femme qui est occupée à tuer les gens à gauche et à droite. Nikita. Nikita. Wow. So lady pastor, just action, action. You see, this one. Oh, lady pastor, it's not, c'est not so bad. It's not c'est so pas bad. Si mal. Okay. The next time when you're about to kill somebody, ask yourself whether you learned it in church. La prochaine fois quand tu seras sur le point de tuer quelqu'un, demande-toi si tu as appris ça à l'église. Forgive. Miséricorde. Forgive is not miséricorde. Pardon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Let us use wisdom. Utilisons la sagesse pour nous diriger. All things are lawful. Yes. Tout est permis, oui. Ask yourself. Is it edifying? Est-ce que ça m'édifie? Is it edifying? Est-ce que ça m'édifie? You've watched Revenge. Tu as regardé Revenge. But you didn't watch the next episode. Mais tu n'as pas regardé l'épisode suivant. It's not the end of the world. C'est pas la fin du monde. Hey, no. Do you have? Hey, I'm looking for somebody who has episode 2, 3, 4. Je cherche quelqu'un qui a l'épisode 2, 3, 4. I know somebody who has it, but he lives in. Je connais quelqu'un qui a sa maison à Kaswa. I'll go to Kaswa. Oh, montre-moi, j'irai à Kaswa. To look for Revenge episode 2, 3 and 4. Pour regarder, vous cherchez l'épisode 2, 3 et 4 de Revenge. Wow. All things are lawful. Tout est permis. The Bible doesn't say don't watch Revenge. La Bible ne dit pas de ne pas suivre Revenge. The Bible doesn't say don't watch pornography. La Bible ne dit pas de ne pas regarder la pornographie. Is it expedient? Mais est-ce que c'est utile? Is it edifying? Est-ce que ça édifie? Is it edifying? Est-ce que ça édifie? Yeah. Oui. Hallelujah. Hallelujah. If you want to follow Jesus, si tu veux suivre Jésus, learn to deny yourself. Apprends à renoncer à toi-même. Hallelujah. Stand Hallelujah. Levez-vous, s'il vous plaît. Amen. Amen. I want us to just pray. J'aimerais que nous prions. Ask God for help. Demandons à Dieu de l'aide. Because it's not easy. Parce que c'est pas facile. Walking with Jesus is not easy. Marcher avec Jésus n'est pas facile. It's not easy. C'est pas facile. There's a song like that. Take up your cross and follow me. We don't know it in French. Il y a une chanson comme ça. Prends ta croix et suis-moi. Est-ce que vous la connaissez en français? There's a line in that song that says, "Living for Jesus isn't easy." Il y a eu un verset qui dit « Vivre pour Jésus n'est pas facile. » Ce n'est pas facile. You need help. Nous avons besoin d'aide. To live for Jesus. Pour vivre pour Jésus. You need help. Tu as besoin to d'aide. Follow Jesus. Pour suivre Jésus. The Bible says that the Holy Spirit is La Bible here dit que le Saint-Esprit est to help us. Pour nous aider. To hold us by the hand and pour nous tenir lead us. Par la main ou nous conduire. Pray for yourself right Prie pour toi-même maintenant. Pray that the Holy Spirit will come upon you Prie que le Saint-Esprit before. Vienne sur toi. That you will get the strength you need from the Holy Ghost. Afin d'avoir la force dont tu as besoin. To take up your cross. Pour te charger de ta croix. Yourself pour renoncer à toi-même so that you can follow Jesus. Afin de suivre Jésus. We want to follow Jesus. Nous voulons suivre Jésus. We want to follow him all the way. Nous voulons le suivre sur toute la ligne. Nous ne voulons pas nous arrêter en chemin. You don't want to stop on the way. Nous ne voulons pas nous arrêter en chemin. Heavenly Father, please help Père, aide-nous s'il help te plaît. Us to follow you. Aide-nous à te all suivre. All the way, Lord. Jusqu'au all the bout, way, all the way. Dans toutes les voies. Father, it's not easy Père, ce n'est pas facile yourself. De renoncer à soi-même. There's so many things il y a tellement de choses that call for our attention. Qui attirent notre attention. But Father, we need your help. Mais Père, nous avons besoin we de ton need aide. You, Holy nous avons Spirit. Besoin de toi, Saint-Esprit. Holy Spirit, come Saint-Esprit, upon us. Strengthen viens prendre le contrôle, fortifie-nous. Deliver us from evil. Délivre-nous de tout mal. Help us to overcome our weaknesses, aide-nous Lord. À surmonter nos faiblesses. Help us to overcome our weaknesses, aide-nous oh à surmonter nos faiblesses. The friends Père. That pull us back. Les amis qui nous ramènent en arrière. The old habits that pull us back. habits. Les vieilles habitudes. Help us, oh God, to overcome, Lord. À surmonter, Seigneur. Deliver us from evil, oh God. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Deliver us from the spirit of foolishness, oh God. Délivre-nous de l'esprit de folie, Seigneur. Deliver us from taking the wrong decisions, God. Délivre-nous des mauvaises décisions. Oh Lord, nous avons besoin de toi. Father, we thank you so much for this word. We thank you so much for speaking to us tonight. We want to follow you, Lord. We want to serve you, Lord. But we know it's not going to be easy. Holy Spirit, come upon us. Holy Spirit, deliver us from weaknesses, oh God, that will cause us to fall by the wayside. Strengthen our hands, Father, that we may make it all the way. Thank you for opening our eyes. Thank you for opening our ears. Deliver us, O God, from falling into the trap of the enemy. May we learn to deny ourselves. May we learn to regard everything with an eye of spirituality, Lord. All things are lawful, but not all things are expedient. All things are lawful, but not all things edify. Help us, Lord, to know the difference. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen. Still in an attitude of prayer tonight. Dans cette attitude de prière I want ce to soir. Pray for you if you are here tonight. J'aimerais prier pour toi ce soir, and you don't know Jesus as your Lord and Savior. Tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Maybe you were invited. Tu as peut-être été invité. Maybe you've come before. Peut-être tu es déjà venu. Maybe it's your first time. Peut-être c'est ta première fois. But you don't know what will happen to you if you were to die tonight. Mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver si tu mourrais ce soir. Whether you will go to heaven or to hell. Si tu iras au ciel ou en enfer. My brother, my sister. Mon frère, ma sœur. Hell is real. L'enfer est réel. Just as heaven is real. De la même manière que le ciel est réel. Tonight, before leaving this place. Ce soir, avant de quitter cet endroit. I want you to be sure of where you're going. J'aimerais que tu sois sûr de l'endroit où tu iras. If you want to pray. Si tu veux prier. And ask God to forgive you for your sins. Et demander à Dieu de te pardonner tes péchés. You want to ask God to forgive you and to cleanse you. Tu veux demander à Dieu de te pardonner et de te purifier. And to write your name in the book of life. Et d'écrire ton nom dans le livre de vie. You want to say, Father. Tu veux dire, Père. I want you to be the Lord of my life. J'aimerais que tu sois le Seigneur de ma vie. I don't want to leave this place as I came. Je ne veux pas quitter cet endroit comme je suis venu. I want you to come into my heart. J'aimerais que tu viennes dans mon cœur. My brother, I want to pray with you. Mon frère, j'aimerais prier pour toi. You want to invite Jesus into your heart tonight. Tu veux inviter Jésus dans ton cœur ce soir. I want you to just lift up your right hand. J'aimerais juste que tu lèves ta main droite. You want to say, Father, forgive me for my sins. Je veux dire, Père, pardonne-moi de mes péchés. I want to go to heaven when I die. J'aimerais aller au ciel quand je mourrai. I don't want anything to separate me from you. Je ne veux pas que quoi que ce soit me sépare de toi. Just lift up your hand and I want to pray for you. Lève ta main et je vais prier pour toi. Lift up your hand right now. Lève ta main tout de suite. Don't be ashamed. Ne sois pas gêné. Don't be shy. N'aie pas honte. Just lift up your hand. Just lève ta main. We're going to pray with you. Nous allons prier. You want to give your life to Jesus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Prions. Heavenly Father, we thank you for tonight. We thank you, Lord, for your blood that was shed for us. Thank you for delivering us from evil, O God. Spirit of God, we pray that you will come upon us and fill us with your wisdom. Deliver us from the spirit of foolishness, O God. May we walk in divine wisdom. Teach us, O God, to number our days, that we may apply ourselves unto wisdom. Father, we thank you for your word. Thank you for enlightening us, O God. May we walk after your precepts. May we be spiritual. May we no longer be carnal, O God. May we not fall into the trap of the enemy. But Father, Lord, may we walk after your ordinances, O God. We thank you, Father, for your love. Thank you for the gift of salvation. Thank you for the gift of forgiveness. Thank you for your mercies, which are renewed every morning. We bless you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, put your hands together.